songe d'enfant. Quintessence, casser le jeu d'écran. Où s'en vont les rêves, les sentiments? Que serait l'orfèvre sans le diamant? Que deviennent les héros quand ils n'ont plus peur? Pinocchio, ça compte pour du beurre. Toutes les belles dames tardives gâchées dans les livres, 100% d'héroïne dans les veines du monde, dans le sang du ciel. D'inconscience et de flics en aiguille, d'insolence brasse des appuis. Où s'en vont les doses des fleurs sanguines? Que serait la rose sans les épines? Que deviennent les héros quand ils n'ont plus peur? Pinocchio, ça compte pour du beurre. Toutes les belles dames tartines gâchées dans les livres, 100% d'héroïne dans les veines du monde, dans le sang du ciel.